passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, propagande et manipulation. Freedom of propaganda is important to our democracy. De Sigelé à Le Bon. Les foules sont de retour. Elles montrent de plus en plus leur visage. Quelques auteurs perspicaces. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. On se doutait qu'un film d'Eisenstein était un film de propagande. Aujourd'hui, on ne se doute pas nécessairement que l'on a affaire à une opération de propagande qui nous vise personnellement. Pourquoi une foule fera-t-elle spontanément ce qu'aucune des unités de cette foule n'aurait fait ? Cette crise a également été un grand moment d'offensive contre la liberté d'expression et a donné lieu à la mise en place d'une propagande gouvernementale inédite. Nous sommes en compagnie d'Olivier Bosc à nouveau pour poursuivre notre investigation. Nous en étions hier, Olivier Bosc, à ce portrait de Scipio Sigelé, auteur véritablement que l'on ne peut que recommander, dont un certain nombre de textes, sans doute pas l'intégrale, mais en tout cas une bonne partie, dont La foule criminelle est disponible sur le net. Ce sont des ouvrages que l'on trouve aisément et j'en recommande vivement la lecture, très stimulante. Mais nous allons parler aujourd'hui de Gustave Le Bon, dont vous nous disiez hier qu'il ne s'est pas gêné, Gustave, en récupérant une grande partie des travaux de Scipio Sigelé d'une part, de Gabriel Tarde d'autre part, et en lisant votre article « Gustave Le Bon, un mythe du XXe siècle » que vous avez rédigé pour la revue 1900 en 2010, revue d'histoire intellectuelle Société d'études sorélienne, « Gustave Le Bon, un mythe du XXe siècle ». Donc il va falloir, Olivier Bosc, à la fois que vous nous disiez en quoi Gustave Le Bon a récupéré outrageusement les travaux de Scipio Sigelé ou de Gabriel Tarde, mais également que vous nous ameniez vers en quoi les travaux de Gustave Le Bon ont-ils été instrumentalisés ou tout au moins interprétés, et si oui, dans quelle direction? Alors le personnage Gustave Le Bon est un objet extrêmement intéressant. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que quand je me suis intéressé à Sigelé, naturellement, on trouve beaucoup plus de références à Le Bon qu'à Sigelé. L'espèce de primat que les Français ont pu s'approprier en matière de psychologie collective, ils le doivent finalement à Le Bon. Et aujourd'hui, finalement, quand on cite son nom, on pense naturellement tout de suite à la psychologie des foules, qui est donc ce livre qu'il a publié en 1895. En synthétisant, et d'ailleurs avec beaucoup d'adresse, en expliquant que finalement les travaux de Sigelé, c'était des choses pas très faciles, pas très accessibles, c'était des travaux de criminologie. En plus, ils étaient un petit peu suspects, ces travaux, parce qu'ils venaient de l'étranger, ils venaient d'un Italien, alors tout ça, c'était pas très recommandable. Alors, Le Bon, il ne commence pas sa carrière avec la psychologie des foules. Le Bon, il naît en 1841, c'est un homme tout à fait établi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément d'instinct, qui, tout au long de sa carrière, qui commence au début des années 1860, il fait des études de médecine, alors on n'est pas tout à fait sûr, on l'appelle toujours le bon docteur Le Bon, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit médecin, il est peut-être un peu comme Charles Bovary, officier de santé. Et il s'intéresse d'abord à des sujets qui sont les sujets de son temps. Il s'intéresse aux problèmes d'hygiène, aux problèmes de fièvre dans les campagnes. Il est natif de Nogent-le-Rotrou, pas très loin de la Normandie, dans une zone rurale. Et donc il s'intéresse à ces questions, et à chaque fois des questions qui ont un écho très fort dans le public. Il ne serait pas douteux qu'aujourd'hui il nous aurait fait un article sur le Covid-19 ou qu'il aurait une tribune à la télévision pour nous expliquer qu'est-ce qui nous attendait avec cette pandémie. Il s'intéresse ensuite à un autre sujet qui est une chose un peu baroque, sur la mort apparente. Ses premiers travaux portent sur la mort apparente. Voilà, c'est une inquiétude qu'on peut tous avoir naturellement. Est-ce qu'on enterre des gens qui sont bien morts? Alors on voit bien que c'est des problématiques qui sont très contraires à celles d'aujourd'hui. On voulait déclarer la mort le plus tard possible. Et donc il va d'un sujet à l'autre, ensuite il s'intéresse à l'archéologie, dans les années 1880 il est envoyé en mission par le ministère de l'instruction publique, il fait des voyages à mi-chemin entre l'ethnographie, il met au point des méthodes pour mesurer les photographier, mesurer les monuments archéologiques, voilà. Avec un apport stimulant, je vais dire par là, avec un apport qui convainc ou qui relève du papillonnage? Alors, je pense que c'est un très bon reflet de ce qu'est la science à l'époque. La médecine n'est pas comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on a un découpage disciplinaire très marqué entre la sociologie, l'ethnologie, l'ethnographie, et il en est de même en médecine. Il faut comprendre qu'en cette époque, un petit peu de positivisme triomphant, il suffit de relire ou d'avoir en tête Bouvard et Pécuchet, voilà, il y a une espèce de merveilleux scientifique qui s'affirme. Et on peut dire que le bon, dans certains domaines, fait des choses tout à fait intéressantes et crédibles. Mais ça tient, comme vous l'avez dit, du papillonnage. Il saisit les thèmes en vogue, il les exploite, il fait 2-3 articles, il fait potentiellement un livre, et ensuite il passe à autre chose. Et donc c'est assez difficile de travailler sur le bon, parce qu'on voit qu'il a une espèce d'itération d'un sujet à l'autre tout à fait remarquable. Et ce qui est très intéressant, c'est que ses travaux sur la foule, bon, bah, c'est une des étapes de son parcours intellectuel. Mais c'est pas le principal. Quand on s'intéresse à sa postérité, j'allais dire immédiate, hein, il décède en 1931, le principal fait d'armes de Gustave Le Bon, outre ses travaux de psychologie et de sociologie, c'est d'être un pionnier de la science atomique. Et ni plus ni moins, le précurseur d'Einstein. Alors ce sont des choses qui ont été explorées par un historien qui s'appelle Alexandre Moati, qui a fait un livre qui s'appelle Einstein, un siècle contre lui, et je lui avais signalé à l'époque où il préparait ce livre l'existence de Le Bon et de ses travaux. Alors il y a une chose très amusante sur Le Bon, quand on cherche un peu des traces, quelles traces subsistent aujourd'hui de Gustave Le Bon, si on se rend à Marne-la-Coquette, donc qui est une petite ville de banlieue, dans la banlieue ouest de Paris. Aux environs de Versailles. Voilà, c'est très connu parce que c'était la résidence de Johnny Hallyday, mais avant d'être la résidence de Johnny Hallyday, c'était la résidence de Gustave Le Bon. Et aujourd'hui encore, sur la mairie de Marne-la-Coquette, il y a 2 plaques en marbre, une à la mémoire de Pasteur, d'ailleurs l'Institut Pasteur est situé sur cette commune, et tout à côté, et une autre plaque qui est sur l'autre pavillon qui est devant la mairie, dont je ne résiste pas au plaisir de vous lire le texte. Hommage au docteur Gustave Le Bon, grand officier de la Légion d'honneur, né à Nogent-le-Rotrou le 7 mai 1841, philosophe, sociologue, physicien, promoteur de la science atomique. Il a passé à Marne-la-Coquette les plus longues années de sa vie, où il est mort le 14 décembre 1931. Donc voilà, aujourd'hui Le Bon, quand vous citez Le Bon, vous pensez Le Bon psychologie des foules. Bon, à l'époque, c'est pas tout à fait le rôle principal, en tout cas qu'on lui attribue. Il y a ce rôle autour de la science atomique, des travaux sur la matière noire. Alors là aussi, il y a des enjeux, ce qui explique très bien Moati, il faut que ce soit des découvertes françaises. On peut pas supporter que la loi de relativité ou toutes ces questions autour de la science atomique puissent être découvertes par les étrangers. Et Le Bon, donc, il a ce rôle, j'allais dire, savant, très important, mais il a un rôle aussi institutionnel, ça a été très bien expliqué par un autre historien qui s'appelle Benoît Marpeau. Il dirige une bibliothèque scientifique où il publie des textes chez Flammarion. Il était très ami avec l'astronome et il se rapproche de son frère pour monter cette bibliothèque de philosophie scientifique qui est la principale collection de vulgarisation scientifique active en France au début du XXe siècle. Donc voilà, donc Le Bon, il est omniprésent, omniscient, il touche un tas de sujets. Alors il y a un visage positif, hein, c'est un petit peu ce que j'ai écrit dans mon article, hein, sur les différentes figures de savants que Le Bon incarne au fil du temps. Et donc on voit bien comment, par exemple, autour des foules, qui est un sujet à la mode vers 1890-1900, bah, voilà, il occupe le terrain, il fait un livre, il synthétise, il écrit, il a une plume facile, il a ses entrées chez les éditeurs, et donc il occupe le terrain intellectuel. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. « Les foules sont un peu dans le cas du dormeur, dont la raison momentanément suspendue laisse surgir dans l'esprit des images d'une intensité extrême, mais qui se dissiperait vite au contact de la réflexion. Les foules n'étant capables ni de réflexion ni de raisonnement, ne connaissent pas l'invraisemblable. Or, les choses les plus invraisemblables sont généralement les plus frappantes. Et c'est pourquoi ce sont toujours les côtés merveilleux et légendaires des événements qui frappent le plus les foules. Le merveilleux et le légendaire sont en réalité les vrais supports d'une civilisation. Dans l'histoire, l'apparence a toujours joué un rôle beaucoup plus important que la réalité. L'irréel y prédomine sur le réel. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Olivier Bosc, peut-on dire que, malgré ce papillonnage, Gustave Le Bon semblerait avoir tout de même des idées fixes? Va-t-il dans une certaine direction, même s'il y va, on le comprend en vous entendant, d'un sujet à l'autre, d'un thème à l'autre? Y a-t-il néanmoins, selon vous, un fil rouge, même ténu? Oui, le fil rouge, c'est la connaissance. Voilà, c'est le multitâche de la connaissance. C'est une formule que j'emprunte à nouveau à Alexandre Moati. C'est effectivement cet accès à un savoir vulgarisé. Voilà, c'est un savoir pour les foules, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bon, à chaque période, il y a des grands passeurs intellectuels, savants. Et c'est ça son principal fil rouge. La seconde partie de sa vie, parce qu'il vit quand même relativement vieux, il la consacre à des ouvrages plus généraux sur la psychologie des peuples. La guerre mondiale le frappe beaucoup, naturellement, parce que c'est un peu le champ du cygne de cette époque positiviste, de progrès continu. Et ça, il a un petit peu de mal à se retrouver dans cette époque-là. Mais c'est un personnage. Voilà, je pense que, pour répondre à votre question très précisément, du fil rouge, c'est donner accès à un savoir utile à un instant donné. Après, l'idéologie proprement parlée de Le Bon, elle est assez classique, hein. C'est plutôt un athéiste, plutôt libéral dans ses idées. Par exemple, dans le grand affrontement idéologique qui prend place au début du XXe siècle, qui est l'affaire Dreyfus, par exemple, il ne prend pas parti dans l'affaire Dreyfus, Le Bon. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un idéologue. Par contre, ses textes, naturellement, sont un vecteur, j'allais dire, de l'idéologie bourgeoise du moment. Elle se distingue d'ailleurs même de celle qui est portée par Siguet, parce que bon, moi, dans mes propres travaux, dans mon livre qui s'appelle La foule criminelle, j'ai étudié un petit peu le destin des théories de Siguet, et elles sont assez différentes de celles de Le Bon. Finalement, Le Bon, en bon libéral, bourgeois, fabrique avec la psychologie des foules une espèce de memento pour diriger les foules. Alors que du côté italien, il y a une vision peut-être plus positive des foules. Alors que chez Le Bon, voilà, c'est une espèce d'agrégat, une espèce de bête qu'il faut mener avec des techniques démagogiques, en quelque sorte. Olivier Bosc, concernant Gustave Le Bon, et d'une certaine manière également Scipio Sigele, mais principalement Gustave Le Bon, leurs ouvrages vont tantôt se retrouver sur certaines étagères, certaines bibliothèques, et d'autre part, vous débutez d'ailleurs votre article, Gustave Le Bon, ami du XXe siècle, en interrogeant la bibliothèque d'Hitler, ou en reprenant plus exactement des extraits de ce livre qui avait fait parler de lui, je crois, en 2007 ou 2008, approchant les 1200 ouvrages annotés, lus, relus ou ignorés par Adolf Hitler. Et, surprise, moi en tout cas ça m'a surpris, Gustave Le Bon n'y est pas. Oui, alors c'est peut-être l'histoire de cette bibliothèque qui a été un peu compliquée, un petit peu. Mais on voit bien que, par exemple, dans la bibliothèque d'Hitler, il y a des manuels, j'allais dire, comment devenir un bon orateur en quelques jours. Voilà, donc j'allais dire, il y a des sous-produits de la littérature de Le Bonienne, hein, c'est indéniable. Ce que j'ai essayé de montrer dans mon. Enfin, l'enquête que j'ai essayé de mener dans cet article, c'était de voir, effectivement, est-ce que le livre de Le Bon était véritablement sur la table de chevet des dictateurs? On ne peut pas nier qu'effectivement, il y ait des formes politiques qui soient propres à l'ère des masses, hein, finalement, période qui est finalement immédiatement consécutive à la publication des textes de Siegel et de Le Bon. Il y a une découverte. Au XIXe siècle, on voit bien, il y a une découverte de la foule, et puis au XXe, il y a une espèce de, j'allais dire, de mise en mouvement ou de structuration des masses. Donc, pour vous répondre, dans une certaine mesure, on peut considérer que ces textes, ces savoirs, ces connaissances ont finalement accompagné finalement la modernité dans ses différentes, j'allais dire, acceptions ou manifestations, que ce soit les dictatures du premier XXe siècle, des découvertes politiques. Je pense que, par exemple, si on s'intéresse à Georges Sorel, qui est aussi un des théoriciens parfois mobilisés pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque des dictateurs, on voit bien que voilà, ces textes, les textes de Le Bon, les textes de Siegel, ils sont lus, débattus, mais d'une façon parfois aussi un peu différente, hein. Je pense que la République, le mouvement des intellectuels, qui ne sont pas des mouvements, pour le coup, dictatoriaux, ont également utilisé ces découvertes de la psychologie collective. Moi, ça a été un peu un objet de mon travail. Après, les dictateurs ne sont pas des gens qui passent beaucoup de temps dans les bibliothèques aussi, hein. Ça, c'est une chose qu'on peut dire à propos, de, par exemple, du fascisme, parce que Mussolini, lui, de façon beaucoup plus directe, a revendiqué, avoir lu, dit que les textes de Le Bon étaient véritablement des textes pour lui très importants, mais ça contraste beaucoup avec, finalement, le corps du doctrine du fascisme. Il y a assez peu de textes doctrinaux dans le fascisme. Voilà, c'est plutôt une culture de l'action, le fascisme. Donc, tout ça est, de mon point de vue, un petit peu, peut-être un peu exagéré. Mais si on prend le cas, où il me vient cette formule de Gramsci qui dit que le fascisme, c'est le fordisme du pauvre. Les thèses de Le Bon ont été très lues aux États-Unis. Bon, le cas de Bernays est bien connu, est exploré dans un documentaire que nous connaissons tous, et qui montre bien que voilà, ça fait partie des textes qui ont été grandement lus et qui ont, j'allais dire, structuré le champ de la pensée dans le premier XXe siècle. C'est indéniable. Olivier Bosque, le documentaire auquel vous faisiez allusion, certains effectivement l'ont vu puisqu'il est en ligne depuis le début de la semaine sur le site des docs de la RTS, mais d'autres qui préfèrent regarder leur documentaire sur une vieille télévision, en couleur tout de même, eh bien ils la découvriront dimanche soir sur RTS2, et vous avez eu la gentillesse, Olivier Bosque, de regarder également ce documentaire pour nous. Vous voilà désormais équipé du costume saillant de critique de documentaire. Invitez-nous ou pas à découvrir ce documentaire. Oui, donc j'ai vu avec beaucoup beaucoup d'intérêt donc ce documentaire centré sur la personnalité d'Edward Bernays, qui est, pour faire simple, finalement l'inventeur des relations publiques, des public relations, dont le premier fait d'arme finalement, c'est d'avoir été au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où les États-Unis ne sont pas encore sûrs d'entrer dans le premier conflit, d'avoir finalement mené l'opinion, conditionné l'opinion à entrer en guerre avec ce qu'on appelait à l'époque la propagande, mais ce que Bernays lui-même appelait plutôt des relations publiques. Et donc effectivement, Bernays, c'est un lecteur de Le Bon, c'est un lecteur de la littérature très à la mode de l'époque, et lui aussi s'intéresse aux foules, à la manière de guider les foules, de les conduire. Et donc on voit qu'il y a, je dirais, il y a une psychologie des foules hard, si je puis dire, avec les dictateurs européens, et puis il y a une psychologie des foules soft, dont le lointain produit, finalement, c'est le marketing contemporain, mais qui peut aussi structurer, se mettre au service des industriels. Voilà, je pense que c'est à peu près ça, si je dois synthétiser le documentaire. Il y a une chose encore plus amusante sur Bernays, c'est que c'était le double neveu, le neveu professionnel, comme il est dit dans le documentaire de Freud. Et on sait que Freud, Bernays a trouvé le bon dans Freud, un peu comme moi, voilà. Dans ce texte de 1921, où finalement Freud fait le point des connaissances. Alors peut-être que ce documentaire est intéressant, parce que voilà, on voit bien que la psychologie des foules n'a pas été utilisée que par les dictatures, mais aussi par la première grande démocratie telle que la démocratie américaine. C'est intéressant de voir finalement un peu dans le détail, même si c'est intéressant d'entendre Chomsky, hein, voilà, qui Noam Chomsky, le penseur américain, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur la fabrication du consentement, finalement. Mais voilà, c'est moi des mécanismes que j'ai déjà vus en fonction dans le socialisme italien, le socialisme réformiste italien, la République, tous les mécanismes, j'allais dire, de structuration, de fabrication des bons citoyens qui étaient en jeu dans la République. Moi, j'ai par exemple découvert que Durkheim, dans ses travaux de pédagogie, compare la classe à une petite foule et fait directement référence aux travaux de Siegel. Et il dit, voilà, dans la foule, les bons éléments sont contaminés par les mauvais. Voilà, donc ce documentaire explore un peu dans le champ américain la fortune de ces théories, de la psychologie des foules. Avez-vous été, comme moi peut-être, Olivier Bosc, intéressé par le fait que si Edouard Bernays avait le don, le talent de développer une ingénierie pour ses relations publiques, ce qu'il savait particulièrement vendre, c'était d'abord et essentiellement, et jusqu'au bout, je dirais, lui-même. Oui, il avait un certain talent et un certain génie. Et vous mettez le doigt effectivement sur un peu la limite de ces exercices. Effectivement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser en régime totalitaire. Hein. Bon, il y a des textes très, très intéressants, très parlants, mais jusqu'où finalement l'individu, j'allais dire au XXe siècle, informé, structuré, peut succomber à des mécanismes finalement assez grossiers et assez... Moi, je suis un peu comme vous, j'ai un petit peu des doutes, hein, finalement, sur l'efficacité de ces méthodes. Il y a une formule que je voudrais citer, qui est une formule de Ledru-Rollin, qui était d'ailleurs reprise par Mussolini lui-même, qui disait « Je suis leur chef, donc je dois les suivre ». Cette vision, donc, un petit peu descendante, top-down, en imaginant des méthodes, des techniques de structuration de la foule, de recettes, finalement, est-ce qu'elles sont si efficaces? Est-ce que finalement être un folaiolo, c'est-à-dire un homme à foule, ça implique aussi d'être à soi-même gouverné par la foule? Et dans le destin des dictateurs, je pense notamment au destin de Mussolini, parce que Mussolini, bon, c'était quand même un homme à foule lui-même, qui se mettait en scène, qui gesticulait pour qu'il soit vu du haut du balcon de la Piazza Venezia. Et ben, il est mort quand même sous les coups de la foule. Bon, alors l'avantage de Bernays, c'est que lui, il est mort dans son lit, et peut-être qu'il a pris moins de risques. Mais voilà, on peut s'interroger aussi sur l'efficacité de ces méthodes. Voilà, ça réactive peut-être des visions un petit peu complotistes, même toujours contemporaines. Par contre, moi, ma vraie conviction, je m'éloigne un petit peu de votre question, c'est qu'on est dans une période où les foules sont de retour. C'est-à-dire que tous ces mécanismes d'enchaînement, de contrôle, notamment avec l'apparition d'Internet, la crise des médias classiques, la crise de la représentation politique. Alors moi, c'est une thèse que j'avais d'ailleurs défendue dans le numéro de 1900. Les foules sont de retour. Elles montrent de plus en plus leur visage. Et on ne les enchaînera pas avec des petites méthodologies et des petites campagnes de publicité ou de presse. Pour le faire d'une manière extrêmement rapide, s'agirait-il, une forme de néologisme, de post-foule aujourd'hui? Alors, le mot de post-foule, effectivement, d'abord, il y a les foules numériques. Ça, c'est une nouveauté. Alors, peut-être, de la même façon qu'on a découvert le public, ces foules numériques ne sont pas exactement des foules en haillons ou les foules que Zola dépeignait. Donc, effectivement, est-ce que ce sont des foules post-modernes, un petit peu, pour parler comme certains sociologues qui ont parlé du retour, je pense à Maffesoli, naturellement, le retour des tribus, est-ce qu'il n'y a pas un retour des foules? Je pense quand même que, bon, c'est un des objets du cours que je donne à Sciences Po, moi je fais un parallèle très fort entre foule et populisme. Les foules, on l'a vu avec les gilets jaunes en France, les foules remontrent leur visage, comme jamais, si je puis dire. Et on voit bien que les mécanismes d'enchaînement, de contrôle, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Olivier Bosque, nous devrons malheureusement, vous savez ce que c'est, le temps d'antenne est compté, alors que je poursuivrai volontiers avec vous l'entretien. Si on veut vous lire, parce qu'après vous avoir entendu, vous devinez bien que vous avez donné à ceux qui vous écoutent envie de vous lire, alors allez-y. Donc si on veut me lire, il suffit de commander aux éditions Fayard le livre qui s'appelle La foule criminelle, qui est donc une étude sur les théories de Siegel et les théories de la foule au XIXe siècle, et surtout sur leur usage politique. Ça, c'est le principal ouvrage que j'ai rédigé. J'ai effectivement fait ce numéro de 1900, qui s'appelle « Foule et démocratie », qui date du début des années 2010, et qu'on peut commander au siège de la Société des études soréliennes, et qui est toujours disponible. Et j'ai publié encore plus récemment, dans la revue Tocqueville, un article qui s'appelle « Foule d'hier, populisme d'aujourd'hui ». Olivier Bosque, merci d'être venu au micro d'Histoire vivante et merci, double merci, merci parce que vous avez assuré votre propre prise de son. Vous multipliez les talents. Voilà, comme on dit dans Breakfast at Tiffany's, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà, donc je fais quelque chose que je n'avais jamais fait. J'espère que la qualité sera au rendez-vous et en tout cas à la hauteur de l'échange que j'ai pu avoir avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Chaque jour, des millions de messages inondent nos écrans. Leur objectif, orienter nos choix pour acheter, voter ou adhérer à une idée. Omniprésents, ils façonnent notre vision du monde. Ces messages s'appuient sur des techniques de persuasion inventées il y a un siècle aux États-Unis. Elles ont été mises au point en moins de 50 ans par un petit groupe de penseurs pour contrôler le peuple. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. L'un de leurs plus grands théoriciens s'appelle Edward Bernays. Public relations embraces what I call the engineering of consent based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Dimanche soir, vous avez rendez-vous avec le nouveau documentaire d'Histoire vivante. Il est intitulé « Propaganda, la fabrique du consentement », un documentaire signé Jimmy Leopold. La réalisation de cette semaine était signée Jean-Philippe Svalen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.